بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، لونجا الله cette nuit du 27 Safar 1442 qui correspond au 14 octobre 2020. On se retrouve sur les ondes de la radio Taqwa pour une assise autour du sujet les actes du cœur. Et c'est la troisième rencontre autour de cet acte important qui est la véracité. Et nous allons revenir avec les paroles de Cheikh Uthaymeen rahimahullah sur l'histoire de Ka'b ibn Malik. Car cette histoire de Ka'b ibn Malik, avec les deux nobles compagnons qui se sont absentés de la bataille de Tabouk, est le summum des exemples de la véracité. Et cette histoire nous montre le fruit et les effets de la véracité dans ce bas monde avant le delà. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu Ka'b ibn Malik, lui a dit: j'avais pas de justificatif à Rasoulallah pour m'absenter. Il s'est tourné vers les compagnons, leur a dit: celui-là, il a dit la vérité. Regardez cette attestation du messager alayhi salatu wassalam. Pour ce noble compagnon, c'est un énorme honneur pour ce noble compagnon d'être désigné et d'être qualifié de véridique par celui qui ne parle pas de ses propres passions, qui est notre messager alayhi salatu wassalam. Donc après que Ka'b ibn Malik a dit la vérité au messager alayhi salatu wassalam et qu'il lui a annoncé qu'il n'avait pas de justificatif pour son absence de la bataille de Tabouk, le messager alayhi salatu wassalam a dit: celui-là a dit la vérité. Et lui a dit d'attendre. C'est-à-dire d'attendre quoi? D'attendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide le jugement de Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu wa arda. Ka'b ibn Malik, quand il a entendu cela, il est parti serein, content d'avoir été véridique, apaisé d'avoir été véridique avec le messager alayhi salatu wassalam. Le noble cheikh, l'érudit cheikh Al-Uthaymeen, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui octroie les hautes sphères dans le paradis, dans le Firdaus al-A'la, nous dit qu'une fois que Ka'b ibn Malik a quitté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains du clan familial de Ka'b ibn Malik l'ont rejoint. Ils lui ont dit: retourne voir le prophète. Reviens sur ce que tu lui as dit. Reviens sur ce que tu lui as dit. Et dis-lui que tu as un justificatif, que tu avais une excuse pour t'absenter. Car tu n'as jamais fait de péché avant celui-ci. C'est-à-dire avant l'absence de la bataille du Tabouk. Il suffit que le prophète implore Allah pour toi le pardon et Allah te pardonnera. Donc ils lui ont dit: reviens vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et reviens sur ce que tu lui as dit. Et dément-toi. Et dis-lui que tu avais une excuse pour qu'il implore le pardon pour toi, comme pour tous ceux qui se sont excusés auprès du messager alayhi salatu wassalam. Ka'b ibn Malik a failli revenir vers le prophète alayhi salatu wassalam. Mais Allah l'a sauvé et lui a inscrit cette noble qualité qui se lira jusqu'à la fin des temps dans le livre d'Allah, dans Sourate Tawba. Et là, Ka'b ibn Malik a posé la question à ceux de son clan: est-ce que quelqu'un a agi comme lui? Est-ce que quelqu'un est dans la même situation que lui, qui a dit la vérité au messager, le messager l'a laissé attendre, lui a dit: attends, Et ceux de son clan lui ont dit: oui, هلال بن أمية إمرار بن الربيع. Ils ont tous les deux, ils ont dit ce que tu lui as dit au prophète alayhi salatu wasalam. Tous les deux, ils étaient véridiques avec le prophète alayhi salatu wasalam. Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu wa arda a dit, ils m'ont cité deux hommes vertueux qui ont assisté à la bataille de Badr. Et c'est un bon exemple pour moi. Cheikh de dire, Cheikh Uthaymin rahimahullah de dire, des fois, Allah fait voir à la personne des choses qui le motivent à délaisser le mal en prenant comme modèle quelqu'un d'autre. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans le bien. Cheikh de nous dire quand Ka'b ibn Malik, on lui a cité ses deux nobles compagnons qui avaient assisté à la bataille de Badr, il a dit radiyallahu anhu arda, c'est un modèle pour moi. Il n'est pas revenu se démentir au messager alayhi salatu wasalam. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux gens de Médine, aux compagnons, de boycotter les trois, Ka'b ibn Malik, ainsi que Murar ibn Rabi', ainsi que Hilal ibn Umayya. Les soumis à Allah les ont boycottés. Voyez que le boycott, l'hajr, est une sunna. Il fait partie de la voie du messager alayhi salatu wasalam. Et ceux qui l'exercent comme il se doit, hein, et comme ça doit être exercé, ils sont sur la bonne voie. Contrairement à ceux qui disent que le hajr, ah non, vous êtes sévère, hein, vous êtes dur, et pourquoi, et ainsi de suite, ou ceci ne fait pas partie de la sunna, et ainsi de suite. Regardez, hein, nos meilleurs modèle, c'est le messager alayhi salatu wasalam. Il a boycotté les trois et il a demandé aux compagnons de les boycotter. Et les compagnons lui soumis à Allah, tous à cette époque, les ont boycottés. Après cela, ces trois marchaient comme s'ils avaient perdu la raison. Hein? La terre est vaste, mais pour eux, il est devenu exigu. Ce n'est plus la terre qu'ils connaissaient auparavant. Car maintenant, quand il salue les gens à Médine, personne ne leur rend le salam. Et si quelqu'un les rencontre face à face, il ne les salue pas. Vous imaginez un peu, toute la ville ne te parle pas, ne te rend pas salam, ne te salue pas. Tout ça, les compagnons l'ont fait par soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager alayhi salatu wasalam. Et même le prophète alayhi salatu wasalam, la meilleure des créatures d'Allah, ne les salue pas le salut habituel alayhi salatu wasalam. Donc si je suis en train de citer les paroles du Cheikh Al-Utaymin, un extrait des paroles du Cheikh Al-Utaymin concernant ce passage, Ka'b ibn Malik disait, je venais à la mosquée et je salue le prophète et je ne sais pas s'il a bougé ses lèvres pour rendre salam ou pas. Et c'est le prophète, la meilleure des créatures. Hein? Et qu'on arrête de gober, hein? Les ambiguïtés comme quoi le hajr n'existe pas dans la sunna. Le boycott et la mise à la quarantaine n'existent pas dans la sunna. Hein? Et que ceux qui disent que ceux qui pratiquent cette sunna comme il se doit sont durs, doivent craindre Allah, Azza wa Jal. Cheikh Al-Utaymin dit, Rahimahullah, il attire notre attention, il dit, que pensez-vous d'un homme boycotté dans cette société musulmane qui est la meilleure génération de l'islam, au point que la terre devient exiguë pour lui. Hein? Au point que la terre devient exiguë pour lui réellement. Il se sentait très mal. Tous les trois se sentaient très mal. Ils ont cru qu'il n'y avait de refuge qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les trois que tout le monde boycottait à Médine par l'ordre du messager alayhi salatu wasalam sont restés dans cette situation 50 jours, un mois et 20 jours. Vous imaginez un peu? Les gens les ont boycottés ils ne les saluent pas, ils ne leur rendent pas salam, comme si c'était des dromadaires, comme si c'était des dromadaires qui ont la gale que personne n'approche. Et Cheikh Al-Uthaymeen de nous dire, la situation est devenue très dure pour ces trois. Et ils se sont réfugiés auprès d'Allah. Et avec cela, il dit rahimahullah, qu'Abn Malik ne délaissait pas le fait de venir prier la prière en commun avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il venait à la mosquée, il saluait le prophète, il se peut qu'il s'absentait aussi, car il se sentait très mal intérieurement. Il se sentait gêné de venir prier avec des gens qui ne lui adressent pas la parole et qui ne lui disent pas ni une bonne parole, ni lui font un reproche. Je le termine de dire, donc la terre est devenue exiguë pour les trois. Ils sont restés 50 nuits complètes. Ainsi, et après les 40 nuits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un compagnon ordonné aux trois compagnons de se séparer de leur femme. Oui, à ce point. Et qu'est-ce que tu penses de Ka'b ibn Malik, un jeune à qui on demande de ne pas toucher sa femme, de se séparer de sa femme. Mais malgré cela, quand le messager du prophète alayhi salatu wassalam lui a dit que le messager d'Allah t'ordonne de te séparer de ta femme, Ka'b ibn Malik a dit, je la divorce ou pas? Pourquoi? Car si le prophète lui aurait ordonné de la divorcer, il l'aurait fait, radiyallahu anhu arda, il l'aurait fait facilement, par obéissance à Allah et à son messager, alayhi salatu wassalam. Ainsi étaient les compagnons, radiyallahu anhu. Et le messager du prophète, alayhi salatu wassalam, a répondu, le messager d'Allah t'ordonne de te séparer de ta femme. Et il s'est arrêté à l'apparence de l'expression qu'il a eue du messager, alayhi salatu wassalam. Le compagnon que le messager d'Allah a envoyé n'a pas déformé le sens de ce que lui a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Il ne l'a pas expliqué non plus. Il a dit seulement, c'est ce que le messager d'Allah a dit et je ne sais pas. Vous voyez comment ils étaient les nobles compagnons? Ils se sont arrêtés là, ils s'arrêtent là où la sunna les arrête, ils se soumettent à la parole, à la lettre du messager alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est le comportement des compagnons. Le messager, hein, du prophète d'Allah qu'il a envoyé à ces trois pour se séparer de leur femme, n'a pas dit, Ka'b ibn Malik, je crois qu'il veut que tu la divorces, ou je crois qu'il ne veut pas que tu la divorces. Il a rien dit. Il a rien expliqué. Il lui a dit la phrase que le prophète lui a dit. Il l'a transmise. Mais il a plutôt dit, le prophète a dit cela. Et Ka'b ibn Malik a dit à sa femme à ce moment-là, rejoins ta famille. Et sa femme s'est soumise et il est parti chez sa famille. Alors imaginez un petit peu cette situation dans laquelle se trouvent ces trois nobles compagnons. Hein? Personne ne leur parle. Ils doivent se séparer de leur femme. Hein? Tout ça pour être parmi les véridiques. Hein? Regardez cette leçon que nous donnent les nobles compagnons d'Allah alayhim. Et c'est pour ça qu'il a été dans le verset, oh, vous qui avez cru, préservez les droits d'Allah et soyez avec les véridiques. On désignant ces trois, radiyallahu anhum ardaum, et tous les nobles compagnons aussi rentrent dans le verset. Mais ces trois, premier lieu, car le verset, quand il est révélé dans le contexte de leur histoire, de l'histoire de leur repentir. Et donc, notre noble Cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit, Ka'b ibn Malik a dit, quant à mes deux compagnons, ils sont restés enfermés chez eux. Cheikh nous dit, car ils ne pouvaient pas, les deux, ne pouvaient pas supporter de marcher dans le marché, alors que les gens, ils ont boycotté et personne ne les calcule. Ils n'ont pas pu supporter cette situation. Ils sont restés à pleurer, enfermés chez eux. Ka'b ibn Malik a dit, moi j'étais le plus jeune parmi les trois. et le plus fort. Cheikh Uthaymeen, rahmatullah alayhi, dit Ka'b était plus jeune que les deux autres compagnons. Il était vif, actif, y allait à la prière en commun avec les soumis à Allah, errait dans les marchés de Médine, et personne ne lui adressait la parole. Ka'b ibn Malik a dit, je venais à la mosquée, je prie et je salue le prophète, alors que le prophète restait après la prière avec les gens, et je me dis, est-ce qu'il a bougé ses lèvres pour me rendre salam ou pas? Regardez la situation dans laquelle il se trouvait. Il venait, il priait, le messager restait assis autour de lui et ses nobles compagnons, Ka'b ibn Malik dit salam alaykoum, et il ne sait pas si le prophète a bougé ses lèvres pour lui rendre salam ou pas. Cheikh Al-Uthaymeen dit, alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était doté des plus nobles comportements, mais le prophète se soumet à la révélation d'Allah et que ces trois doivent être boycottés. Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu arda, dit, je prie et dans ma prière, je jette un regard vers le prophète, en direction du prophète, alayhi wa sallam. Est-ce qu'il me regarde ou pas? Quand je fixe mon regard à la place de ma prière, hein, le prophète jette son regard vers moi et dit que je le regarde ou je me tourne vers lui, il se détourne. Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayhi a dit tout cela car le boycott était très dur pour Ka'b ibn Malik. Ka'b ibn Malik a dit, un jour que je marchais dans les marchés de Médine, et la dureté du boycott des gens m'était longue, dure. J'ai grimpé le mur de la ferme d'Abu Qatada. Ça veut dire, il n'est pas rentré par la porte comme si la porte était fermée, et c'est seul Allah qui sait. Cheikh Al-Uthaymeen a dit, Ka'b a dit, et je l'ai salué, c'est-à-dire j'ai salué Abu Qatada. Et Ka'b de dire, et par Allah, il ne m'a pas rendu salam. Regardez donc sa ferme, derrière le mur, Abu Qatada ne lui a pas rendu salam. Alors qu'Abu Qatada, c'est le fils de l'oncle de Ka'b ibn Malik. Et Ka'b ibn Malik aimait beaucoup Abu Qatada. Cheikh Al-Uthaymeen dit, alors que Ka'b ibn Malik était boycotté, mis de côté par tout le monde, personne ne le salam, personne ne lui rend salam, personne ne lui parle, et malgré tout ça, le fils de son oncle n'a pas de pitié pour son cousin, n'a pas eu de pitié pour son cousin. Tout cela, dit Cheikh Al-Uthaymeen, est dû à l'obéissance à Allah et à l'obéissance à son messager, car les compagnons ne font pas attention aux reproches des gens, ils n'adulent pas dans la religion d'Allah, ils ne caressent pas dans le sens du poil, même s'il s'agit des personnes qu'ils aiment le plus ou des plus proches. Cheikh Al-Uthaymeen de lui dire que Ka'b a dit à Abu Qatada, je te prends comme témoin par Allah, est-ce que tu sais que j'aime Allah et son messager? Abu Qatada ne lui a pas répondu. Et Ka'b ibn Malik lui a répété une deuxième fois, je te prends comme témoin, est-ce que tu sais que j'aime Allah et son messager? Abu Qatada ne lui a pas répondu. Deux fois, Cheikh Al-Uthaymeen dit, il dit, alors qu'Abu Qatada sait très bien que Ka'b ibn Malik aime Allah et son messager. Et quand Ka'b ibn Malik lui a demandé la troisième fois, par Allah, est-ce que tu sais que j'aime le messager? Hein? Il le prend comme témoin. Est-ce que tu sais que j'aime le messager et j'aime Allah et son messager? Abu Qatada s'est détourné de lui et lui a dit, il n'y a qu'Allah et son prophète qui savent. Cheikh Al-Uthaymeen, il dit, il ne lui a pas adressé la parole. Il ne lui a pas dit oui ou non. il a dit une phrase qui n'est pas concernée, considérée comme une discussion, ni comme une conversation. Car Ibn Malik a dit, mes larmes ont coulé. Cheikh dit, son cousin qu'il aime le plus ne lui parle pas. Alors qu'il lui demande son témoignage. Et ceci sur un point qui compte dans l'adoration. Hein, le témoignage, c'est quelque chose qui fait partie de l'adoration. Hein? Car le fait qu'il dit à son cousin, Unshiduk Allah, par Allah, je te demande ton témoignage. Est-ce que tu sais que j'aime Allah et son messager? Ceci est considéré comme un témoignage qui fait partie de l'adoration. Et malgré cela, il ne lui a pas témoigné, alors qu'il sait que Ka'b ibn Malik aime Allah et son messager. Et Ka'b ibn Malik a grimpé le mur de la ferme de son cousin et il est parti au marché de Médine. Écoute maintenant. Et alors qu'il était en train de marcher dans le marché de Médine, à Nibti, hein, parmi Anbat, les habitants de Cham, qui ne sont ni arabes ni non-arabes, on les appelait l'Anbat, parce que ils étaient spécialistes dans le fait de reconnaître les endroits de l'eau et de trouver les endroits de l'eau dans les déserts et dans les terres arides. Son Ibté, qui est un cultivateur du nord de l'Arabie, disait qu'elle me montre où se trouve Ka'b ibn Malik. Écoutez celle-là. Et regardez la véracité avec Allah. Où est-ce qu'il conduit? Cheikh dit, hein, les gens du mal et les ennemis d'Allah, hein, savent se saisir des occasions et ne ratent pas une occasion. Hein? Regardez son Ibti qui vient du nord de l'Arabie avec un message du roi de Ghassan. Quand le Nibti a dit, qui me montre Ka'b ibn Malik? Ka'b a dit, j'ai dit, c'est moi. Et le Nibti m'a donné une feuille et je savais écrire. Cheikh Al-Uthaymeen dit, ceux qui savent écrire à l'époque du prophète étaient peu nombreux. Ka'b ibn Malik dit, j'ai lu le message qui disait, ce message il vient du roi de Ghassan. Et ce message il disait, il nous a été rapporté que ton ami t'a boycotté, c'est-à-dire le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, et ce message venait du roi de Ghassan, qui était mécréant, et qui disait dans son message, ne reste pas dans le déshonneur et l'avilissement. Viens à nous, rejoins-nous, nous allons t'apaiser. Cheikh Al-Uthaymeen dit, ça veut dire, on t'apaisera avec l'argent, et peut-être avec hein, le pouvoir, et ainsi de suite. Regardez comment les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala guettent les occasions sur les croyants. Et regardez, hein, regardez, actuellement, regardez toutes ces études qu'on fait sur l'islam, sur les musulmans, sur les sociétés musulmanes, etc. Et on guette à quel moment on leur donne le coup. Ceci, hein, les contemporains, les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala contemporains, n'ont hérité de leurs aïeux, qui étaient ainsi. À l'époque du prophète, alayhi sallam, comment ils guettaient cette société, hein, musulmane. Et méditez la situation de Ka'b ibn Malik, maintenant. Et cette position qu'il a, en ce moment très difficile. Mais Ka'b ibn Malik était un croyant véridique, un homme qui croit en Allah, en son messager, et qui aime Allah, et qui aime son messager. Il a dit, radiyallahu anhu wa arda. Et ça, c'est une épreuve. Ceci est un examen. Cheikh Al-Uthaymeen, il dit, Ka'b ibn Malik a dit vrai. Cheikh nous dit, un homme à qui personne ne parle, que tout le monde boycotte, même parmi les plus proches, s'il était faible au niveau de la foi, il aurait saisi l'occasion. Et il aurait saisi l'occasion, il serait parti vers ce roi qui l'a convié pour l'apaiser. Hein? Regardez maintenant. Médite-t-on cette histoire et cet acte et cette résistance dans l'épreuve de Ka'b ibn Malik et qu'on la compare à la situation de certains intellectuels, de certains sportifs, etc., qui ces derniers temps n'hésitent pas à mettre leur vie en danger en payant des personnes, hein, pour les faire traverser la Méditerranée, hein, pour arriver dans l'autre rive vers, hein, l'Espagne, vers l'Europe, etc. Une fois qu'ils arrivent là-bas, ils disent n'importe quoi sur l'islam, n'importe quoi sur les pays de l'islam, et ainsi de suite. Et regardez Ka'b ibn Malik, malgré cette invitation de ce roi, n'a pas cherché à le joindre, ni à y aller, ni à demander le refuge politique, l'asile politique ou autre, qu'on fait le contemporain maintenant. Et regardez combien la nuit d'hier ressemble à celle d'aujourd'hui. Combien de ceux qui disent, hein, les associations ou là, les institutions de droits de l'homme, Amnesty, etc., etc., combien ils viennent pour prendre des gens dans des pays de l'islam, pour les ramener dans les pays de mécréance. Pour qu'on comprenne que cette guerre contre la vérité, cette guerre contre l'islam, ne date pas d'aujourd'hui. C'est la sunna d'Allah, Azza wa Jal. Le combat entre le vrai et le faux, jusqu'à la fin des temps. Mais est-ce qu'on est digne de cette vérité, ou la porte, ou la défend, ou pas? Revenons aux paroles de Cheikh Al-Utaymin. Il dit, rahimahullah, et Ka'b ibn Malik est parti au four à pain, et il l'a allumé. Il est parti chez lui, au four à pain, et il l'a allumé. Et une fois allumé, il a envoyé la lettre de ce roi dans le feu, pour que cette lettre ne lui rentre pas de waswas, et que cette lettre ne le motive pas à partir vers ce roi d'Orsan. Vous imaginez un peu, recevoir une lettre d'un roi, et pour préserver sa religion, et pour que cette lettre ne le motive pas à divier, il l'a jeté dans le feu. Radiallahu anhu wa arda. Il a détruit cette lettre, pour couper court et désespérer de l'idée de l'utiliser comme preuve pour rentrer chez ce roi ou comme moyen pour aller vers ce roi. Et il est resté ainsi à laps de temps. J'imaginais un petit peu cette véracité et cette endurance sur la voie d'Allah avec lequel a été comblé le noble compagnon. Comprend pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'être avec les véridiques. Oh, vous qui avez cru, préservez les droits d'Allah et soyez avec les véridiques. Cheikh Al-Utaymin de dire, dans cette partie du hadith, il y a une preuve pour celui qui est boycotté de ne pas aller à la prière en commun s'il ne peut pas supporter la situation comme a fait Ka'b. Car il n'y a aucun doute que la gêne et l'oppression intérieure atteint celui qui vient prier la prière en commun. Il salue les gens, personne ne lui rend salam et on ne le salue pas. Il est boycotté, mis de côté, il se sent très mal. Hein? Et ils se sont très mal intérieurement. Et les savants ont dit, ceci est une excuse de ne pas venir à la prière en commun. Ainsi le relate Cheikh Al-Utaymin dans ce passage. Et il dit, rahmatullah alayhi, parmi les leçons de ce hadith, dans cette partie du hadith, la forte soumission des compagnons à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve de cela, regardez ce qu'a fait Abu Qatada, qui est le cousin que Ka'b ibn Malik aimait le plus. Il lui a pas adressé la parole. Méditez et comparez ça à certaines situations que nous vivons dans certaines régions des fois, hein, où la personne, des fois, se moque de la sunna, se moque de la barbe, se moque des femmes qui s'habillent comme il se doit, et les frères, sans problème, on rigole avec lui, on va jouer au foot avec, etc., etc. Regardez, où est la jalousie pour notre religion? Et regardez, hein, Abu Qatada, comment il était avec son cousin, alors que son cousin l'aimait beaucoup. Il dit, rahmatullah alayhi, et parmi les leçons dans ce hadith, c'est qu'il faut se préserver des gens du mal, qui saisissent chaque occasion, et qui saisissent la faiblesse des gens pour les faire périr et les détruire, et détruire leur religion, et les induire en erreur. Car ce roi d'Orsan a saisi cette occasion pour inviter Ka'b ibn Malik à l'égarement, espérant que Ka'b délaisserait sa religion et rentrerait dans la religion de ce roi. Ah, qu'on fasse très attention. Hein? Méditez. Frère Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'on médite. De nos jours, ce que font les ennemis d'Allah pour triompher le mal, hein? Regardez et qu'on médite. Faisons Allah subhanahu wa ta'ala ce que font les ennemis d'Allah pour faire triompher le mal. Seul prétexte de la liberté, la démocratie, la liberté d'expression. Rappelez-vous l'affaire de Salman Rushdie. Hein? Regardez comment on l'a protégé, comment on lui a donné asile, parce qu'il a dénigré l'islam, il a dénigré le prophète de l'islam et beaucoup d'autres comme lui. On fait la même chose, des hommes, des femmes, etc. Hein? Et comment on les accueille en Occident? Hein? Et on les protège? Tout simplement parce qu'ils dénigrent l'islam et le prophète de l'islam. Et regardez maintenant, avec ce qui s'est passé il y a quelques jours, méditez ce qui s'est passé à l'un des aéroports militaires parisiens, quand cette femme française, qui était la dernière prisonnière française au monde, qui était prisonnière au Mali, a été libérée. Il est arrivé en France, et en arrivant, il a déclaré son islam. La conférence de presse du chef de l'État qui allait aller à a été annulée. Et dans cela, et regardez, on n'a pas fait de... Hein? Ah, les médias ont camouflé l'affaire, ça, personne ne parle, peu de médias qui en parlent. Et dans cela, il y a une leçon à tout un chacun qui est doué de raison. Tout un chacun qui est doué de raison doit prendre la leçon de tout cela. Regardez ceux qui insultent les prophètes, notre prophète alayhi salatu wassalam, et ceux qui, hein, dénigrent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment on les reçoit sur les plateaux, on leur met les tapis rouges, etc., etc. Comment ils sont invités d'un plateau à un autre, d'une antenne à une autre. Et regardez cette Française qui s'est convertie à l'islam, comment, hein, c'est comme si rien n'était. Hein? Réfléchissons et sauvons-nous et sauvons, devons nous sauver et sauver notre religion et sauver notre descendance. Alors la rencontre d'Allah est proche. Il faut être véridique avec soi-même et avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Al-Uthaymeen de dire, rahimahullah ta'ala, est parmi les leçons à retenir la forte foi de Ka'b ibn Malik et son fort attachement à la religion d'Allah et sa forte soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela prouve qu'il fait partie des croyants véridiques et sincères pour Allah. Il ne fait pas partie de ceux duquel a été dit dans le verset وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. La traduction approximative du sens du verset. Parmi les gens, il en est qui disent, nous croyons en Allah, et puis si on les fait souffrir pour la cause d'Allah, ils considèrent l'épreuve de la part des hommes comme un châtiment d'Allah. Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, rahmatullah alayh, il y a des gens qui disent qu'ils croient en Allah, mais leur foi est faible. S'il est prouvé pour la cause d'Allah, il apostasie. Qu'Allah nous en préserve et délaisse l'obéissance, il devient pervers. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Car Ibn Malik, dit Cheikh, a été prouvé par la cause d'Allah, a été éprouvé pour la cause d'Allah, et il a subi une grande épreuve, mais il a enduré, patienté, et a attendu la délivrance et la récompense d'Allah. Allah l'a délivré d'une grande délivrance, qui n'a été que pour lui et ses deux autres compagnons, qui étaient dans le même cas que lui, et qui étaient véridiques comme lui. Allah a révélé des éloges qui les concernent, qui se récitent jusqu'à la fin des temps. Dans surat Tawbah, jusqu'à la fin des temps, ces versets dans lesquels il y a leurs éloges se réciteront. Il dit, rahimahullah, on lit leur histoire dans notre prière. Et ceci est une géante grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ces trois nobles compagnons. Et il dit, rahimahullah, il fait partie des leçons à retenir dans cette partie du hadith, c'est que il incombe à l'être humain, s'il voit une fitna, ou il a peur d'une fitna, qu'il détruise et délaisse tout ce qui va être la cause de fitna, tout ce qui va être une cause de fitna pour lui. Car Ibn Malik, quand il a eu peur pour son âme de se pencher après vers ce roi, il a brûlé cette lettre qu'il a reçue de lui. Il a eu peur qu'il penche. Et après cette lettre, qui allait être une fitna pour lui, il l'a jetée dans le feu. Et Cheikh dit, et fait partie de cela, ce qui est arrivé à Sulayman, alayhi salatu wassalam, quand les chevaux pur sang lui ont été exposés à l'heure de l'Asr. Il s'est mis à les admirer et il a été insouciant de Salat l'Asr jusqu'à ce que le soleil se couche. Une fois le soleil couché, alors qu'il n'a pas pris l'Asr, il a redemandé qu'on lui ramène ses pur sang et il leur a coupé la tête et les pattes pour se venger de son âme, pour son âme, car ses pur sang lui ont fait oublier l'invocation d'Allah Azza wa Jal. قال عز وجل فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفقا مسحا بالسوق والأعناق. Dans le verset où il dit, il relate ce qui est arrivé à Sulayman عليه الصلاة والسلام, la traduction approximative nous dit ceci. Il dit, oui, je me suis comblu à aimer les biens de ce bas monde, au point d'oublier le rappel de mon Seigneur, jusqu'à ce que le soleil se soit caché derrière son voile. C'est-à-dire jusqu'à ce que le soleil soit couché. Ramenez-les-moi. Alors il se met à leur couper les pattes et les coups. Cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah alayhi, dit, l'essentiel, si tu vois que quelque chose de ta fortune ou autre va te détourner de l'invocation d'Allah, éloigne-la de toi. Par n'importe quel moyen, pour qu'il ne soit pas une cause qui va te détourner de l'invocation d'Allah et qui va te détruire. Car tout ce qui détourne de l'invocation d'Allah est une perte, comme il est dit dans le verset. Et il amène vers la perte, comme il est dit dans le verset. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Et il est dit dans le verset, dans la traduction approximative, que Cheikh a cité, rahimahullah, ou vous qui avez cru, que ni vos biens, ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah, et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Cheikh de nous dire qu'Ibn Malik a dit qu'en 40 nuits de boycott se sont écoulées, c'est-à-dire 1 mois et 10 jours, et il n'y a toujours pas de révélation concernant leur situation. Cheikh Al-Uthaymeen, il dit, ce retard de la révélation des Cheikhs, rahimahullah, c'est pour un but et une sagesse. C'est-à-dire, c'est un but et une sagesse dans les grandes situations, comme cela a été concernant l'histoire de la calomnie de Aïcha radiallahu anha wa arda, où la révélation a été coupée à laps de temps pour le messager alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est pour un but, c'est un but qu'Allah veut, pour que les gens soient impatients et attendent avec impatience ce qui va être révélé du Seigneur du monde. Et quand les 40 nuits se sont écoulées, 40 nuits de boycott des trois se sont écoulées, le prophète d'Allah a envoyé un compagnon comme messager dire à Ka'b ibn Malik de se séparer de sa femme. Et aussi aux deux autres compagnons qui sont dans la même situation que lui. Et là, la femme de Hilal ibn Umayya est venu voir le messager d'Allah pour lui dire que Hilal ibn Umayya avait besoin de ses services, car il n'a pas quelqu'un qui puisse le servir. Le prophète d'Allah a autorisé à la femme de Hilal ibn Umayya de rester à son service, à condition que Hilal, que son mari ne la touche pas. La femme de Hilal ibn Umayya a dit, oh messager d'Allah, a dit au messager d'Allah que son mari n'avait aucune envie et qu'il n'a pas cessé de pleurer depuis que le prophète a ordonné de les boycotter, car il ne sait pas ce qui ne sait pas ce que ça va être sa fin. Hein? Et je dis, regardez, frère en Allah, c'est au jeûne, et méditez la situation de ces trois nobles compagnons. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas supporté par obéissance à Allah, par obéissance à son messager, par soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire partie des nombres, des véridiques. Hein? Regardez la réussite où il est. Qu'on prenne la leçon ceci, c'est pas une histoire qu'on doit passer comme ça. Nous devons revenir au recueil de Riyad Salihin traduit en français, relire cette histoire en entière et retirer les leçons et les mettre en application et regarder et comparer où sommes-nous dans notre soumission, dans notre patience face aux épreuves, dans notre véracité avec Allah, avec nous-mêmes, dans notre véracité, dans notre attachement à notre religion, dans notre véracité avec nos familles, avec notre entourage, avec nos patrons, ou avec nos ouvriers, ou avec ceux qui sont sous notre tutelle. Ceci est très important. La véracité est une des qualités, hein, qui mène vers la réussite. Et il a été ordonné par Allah, Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin. Ô vous qui avez cru, préservez les droits d'Allah et soyez avec les véridiques. Et on arrête pour aujourd'hui ici, inshallah. Et ce sujet a une suite encore mercredi prochain. Fasa Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, bi asma'i al-husna wa sifati al-ula, anj'alna wa iyyakum min as-sadiqin. أن يرزقنا وإياكم الصدق في القول والعمل. نسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه. نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالصدق وبتحري الصدق، وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يرفع عنها هذا الوباء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ييسر لإخواننا وأخواتنا وذرياتهم الهجرة من بلاد الكفر، وأن يردهم سالمين غانمين إلى بلاد الإسلام، وأن يمن ويثبت إخواننا الذين هاجروا وأهليهم وذرياتهم في بلاد الإسلام، وأن يثبتهم على هجرتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك،